La névrose féminine. La femme vit l'incertitude à un point où l'homme la déclarerait sans hésitation incompétente à exister. Et pourtant, le caractère inquiet de la femme n'a rien à voir avec son inhabilité à vivre, mais plutôt à une grande soif de vivre constamment remise en question par la nature, même de son lien avec l'homme et de son statut secondaire en tant que citoyenne du monde. À qui s'est observé, la femme présente dans la vie un visage masquant un niveau sensible d'angoisse découlant de sa difficulté à pouvoir dominer son existence, et ce, depuis ses jeunes années où se décide et se dessine son plan de vie. Contrairement à l'homme qui doit le plus tôt possible manifester sa virilité et sa puissance, la femme, très tôt dans la vie, se retrouve en attente, devant se plier aux conventions afin de ne pas ruiner ses chances. Il n'est pas du tout surprenant qu'un tel départ suggère fortement un avenir où elle devra plutôt subir que conquérir. À cause de cette condition traduisant assez bien l'encadrement dans lequel elle est socialement mouillée, dès le début de son apprentissage, elle refoule une gamme très vaste d'émotions qu'elle réussira, si la chance lui sourit, à remettre en question afin de se relancer dans la vie dans un temps où, épuisée et souvent malheureuse, elle tentera un dernier effort pour se sortir du trou qu'une société mal pensante lui avait creusé. Ce qui nous amène à discourir sur le sujet fameux des névroses de la femme. Ce n'est pas la femme elle-même qu'il faut pointer du doigt, mais plutôt les conditions qui lui ont servi de fondement. La femme exhibe des névroses car sa vie devient graduellement une filière d'insécurité causée par une remarquable absence de centricité. Sans l'apport d'une centricité fondée sur une conscience avancée de soi, la femme demeure distante d'elle-même et ne peut répondre à ses besoins au rythme où ils devraient être répondus. Une grande source de frustration pour elle découle du fait qu'elle éprouve de la difficulté à se faire entendre et écouter à sa juste mesure. On ne lui prête guère l'économie d'attention que l'on offre en général à d'autres pour des raisons souvent de moindre importance. Si la femme tend à devenir névrosée, c'est que la société, l'homme en particulier, ne lui offre pas suffisamment de support, d'écoute et de sympathie, sans mentionner le respect véritable qui assouvirait une sensibilité intérieure gouvernée par une délicatesse tant appréciée de l'homme. La grande délicatesse de la femme est un couteau à deux tranchants. Elle provient d'une âme sensible à la vie et en même temps, elle est axée sur les courants intérieurs de sa féminité. Lorsqu'il y a déséquilibre trop prononcé chez elle, la névrose se présente comme mécanisme compensatoire, lui permettant de survivre dans un monde qu'elle n'aime pas pour une variété de raisons qu'elle ne peut pas toujours s'expliquer. La névrose a des racines profondes, non pas chez la femme en tant que telle, mais dans les conditions qui ont bafoué sa réalité, sa sensibilité. Ces racines sont des repères psychologiques pour qui veut découvrir ses blessures ou simplement le manque d'amour authentique qui a écossé sa vie. Que la femme soit névrosée, c'est normal, puisque la société lui a depuis toujours refusé le pouvoir sur elle-même, ce refus l'ayant exclue du giron des grandes manifestations qui lui auraient servi de tremplin pour se mouiller dans des eaux plus salubres. Mais l'histoire a voulu et veut encore qu'elle soit au service de quelqu'un ou de quelque chose et qu'elle conteste de plus en plus à cette imposition depuis la cassure de la modernité avec l'Ancien Régime. Mais dans ce nouveau monde, elle n'a pas encore trouvé refuge contre ses démons, car elle n'a pas encore été témoin de la fragilité du monde lorsqu'elle éclate de furie en constatant l'engouement avec lequel on veut la garder prisonnière. Lorsque la femme tournera ses névroses en poudre à canon, les hommes et les sociétés reculeront devant elle, car elle ne craint pas la mort une fois convaincue de sa juste cause. Mais pour qu'elle réalise la justesse de sa cause, elle doit mettre de côté les craintes qui la retiennent et lui crée l'illusion qu'elle ne peut rien changer à sa condition. La femme est vacillante dans sa condition, car ses névroses lui répugnent et en même temps la sécurisent. Elles lui permettent de gagner du temps sur la vie afin de ne pas sentir trop tôt la défaite. Raison de plus pour laquelle elle doit se regarder dans le miroir et voir ce qu'elle ne veut pas admettre, la peur. La peur d'être elle-même, la peur d'être seule, la peur du manque d'appui, la peur de se tromper, la peur de la peur. Les névroses de la femme sont un ramassis de craintes de toutes les sortes cristallisées en morceaux de pierre qui lui pèsent sur le cœur et envahissent son esprit jour après jour, nuit après nuit, sans qu'elle réagisse, sans qu'elle veuille se libérer. La névrose envahit son esprit le moment où elle sent sa vie disparaître sous ses pas. Elle découpe sa réalité et lui fait voir le côté purement illusoire de sa condition. Mal lunée, elle ne peut catégoriquement se retrancher d'un horizon qui semble de plus en plus malveillant. C'est dans sa relation avec l'homme que la névrose féminine atteint son paroxysme, car l'amour pour la femme est authentique, tangible. Dans la mesure où son partenaire lui démontrera une sensibilité suffisante, elle reculera à l'échéance de la névrose, jusqu'au jour où, à la suite d'un faux pas, elle prendra mesure du vide de sa condition. Voilà la raison pour laquelle la femme doit apprendre à se protéger contre elle-même et non contre le monde, car c'est sur elle-même, en elle-même, qu'elle doit régner suprême. Elle doit se refuser de souffrir les conditions qui furent, par le passé, érigées en prison dorée. Elle doit se savoir un être à part entière et non un être défini par un autre ou les circonstances d'un autre. Elle doit reprendre la torche et courir son propre mile afin de se distancier des événements fauves qui veulent à tout prix la bouffer. Dès qu'une névrose apparaît sur son écran, elle doit la regarder, l'évaluer et commencer à la réduire pour éventuellement l'éliminer sans la moindre hésitation. De cette manière, elle réalisera assez rapidement que le pouvoir d'être est en elle-même et qu'elle seule peut le manifester sans condition. La femme est moins matérielle que l'homme, de là sa grande sensibilité. Elle est faite pour l'amour alors que lui est fait pour la guerre. Les deux conditions font partie de la vie, de l'évolution, mais aussi des mœurs et des manières d'être qui ont défini les rapports entre hommes et femmes depuis des siècles. Ce ne sont pas les lignes de conduite dictées par le temps que la femme doit suivre aujourd'hui, mais une conduite dictée par elle lorsqu'elle a atteint un niveau de conscience lui permettant de voir qu'elle ne veut plus être à la merci des idéologies. C'est à ce point sur la courbe de son évolution personnelle qu'elle fera sécher les névroses qui ont depuis trop longtemps marqué sa conscience. Elle saura faire taire les rires qui l'indisposent, car elle aura la force d'affronter ceux qui, encore et toujours, auront le front d'usurper son honneur alors qu'eux n'en ont pas. La femme n'est pas névrosée en soi, elle est plutôt marquée par le manque d'amour authentique. Ceux qui s'acharnent à lui reprocher ses névroses sont ceux-là même qui n'identifient pas les leurs, n'identifient pas dans leur conduite vis-à-vis d'elle un irritant inconsistant avec une conscience avertie.